Salut, bienvenue à cette toute nouvelle édition de CNX.zip où on compresse les chroniques CNX de l'émission Assemblage Requis. C'est d'ailleurs l'émission aujourd'hui qui compresse la première semaine de l'année de chroniques CNX à Assemblage Requis, la semaine du 4 janvier 2010. On va avoir les chroniques GoGo Gadget autour du net et critiques de jeux dans l'émission de cette semaine. Et bien sûr, un tout petit peu de musique de jeux vidéo parce que les chroniques s'additionnent et prennent beaucoup de temps. Commençons tout de suite par un petit peu de chiptune. C'est le J. Arthur Keane's Band. C'est toujours très, très bon. Voici Ocean Stage. Hein? On en est ici. Ocean Stage. À CNX.zip sur les ondes de C'est Fou 89.fm. Stage par J. Arthur Keane, qui est le leader, bien évidemment, du J. Arthur Keane's Band, qu'on entend ici très, très souvent à CNX.zip. C'est une des pièces qu'il a produit pour un projet de jeu vidéo qu'il croit abandonné. Il a aussi fait une autre pièce pour ce jeu-là, Stage 1, qui est disponible sur le lien que j'ai posté sur le www.assemblagerequis.com. Vous êtes à CNX.zip, on compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Commençons par celle de mardi dernier. Voici GoGo Gadget. Oh oui, c'est la chronique technologique CNX, c'est la chronique la plus geek de la radio. Et puis aujourd'hui, ben, c'est GoGo Gadget. Donc on parle de gadgets soit utiles ou soit complètement ridicules. Ou les deux. Oui, les deux. Oui, mais ça peut dépendre des gens, vous allez voir. On commence avec un article sur Branchez-vous Gadget. Si votre résolution du nouvel an consistait à connecter votre ordinateur personnel à votre téléviseur pour pouvoir jouer à des jeux vidéo ou à surfer sur le web à grands coups de 52 pouces, mais que vous n'avez pas envie d'enfermer votre ordinateur dans le meuble de votre télé ou de laisser traîner un câble de bureau jusqu'au salon, ce que je fais, la compagnie Warpia a quelque chose à vous proposer. L'adaptateur USB sans fil Warpia permet de connecter un ordinateur à un téléviseur par les airs, sans fil, à une distance de 10 mètres ou moins. La base se branche dans le téléviseur dans une prise HDMI ou VGA, tandis que le signal de l'ordinateur est transmis via un émetteur

c'est sur assemblagerequis.com. Un autre genre de grille-pain, on parle d'un grille-pain qui ressemble à une imprimante, donc c'est sûrement l'inspiration du gars, hein? C'est que vous pouvez mettre une grosse pile de pain en haut. D'accord? Comme mettons que t'invites des gens, c'est difficile de faire juste 14 à la fois, ça, des fois. Donc tu mets ta pile dessus, et puis là ils vont descendre. C'est un concept, là, c'est pas un vrai gadget qu'on peut acheter. Et là ça descend à travers la fente et ça te dépose ça sur une pile ou une assiette, comme tu veux. Très très bon concept, un peu comme une imprimante. J'adore l'idée, donc allez voir assemblagerequis.com pour des photos. Et je vais finir avec un dernier gadget que tu vas choisir, Kiwan, parce que le temps file et mes chroniques sont longues. T'as le choix entre un verre avec des picots dessus qui va il va deviner ce que tu bois en l'écrivant sur le verre. Ça, c'est le gadget numéro 1. Une extension intégrée au mur. Donc, si t'as besoin d'un aspirateur, de plus de place pour ton aspirateur, mettons, là, bon. Troisième choix, contrôler la télé avec un iPhone. Ou quatrième choix, une tablette de système de son qui flotte. On va aller avec le verre. Le verre, bon choix, Kiwan. Donc, on parle ici du Cypher Drinking Glass. C'est le designer Damien Stankovic qui a inventé ça. C'est un concept, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est achetable. Donc, quand le verre est vide, il a l'air d'être décoré avec des petits picots colorés. Et aussi qu'on le remplit de soit de lait, de jus d'orange, de cola, si on veut. Et bien, le nom va se mettre à apparaître sur le côté. Ça va détecter chimiquement ou je sais pas trop quoi. Alors, je pense que c'est plus à la couleur du liquide, c'est ça. C'est la couleur du liquide qui va faire que le mot de ton breuvage va apparaître. C'est pas malade, ça? Le mot apparaît sur le verre à cause de la couleur. Donc, c'est pour ça que les points sont de couleurs différentes. Donc, par exemple, quand le liquide est orange, ben les points vont apparaître, tu sais, en marquant orange sur le côté. C'est un peu difficile à décrire, mais va voir la photo. Dans le fond, c'est que les couleurs vont être comme, tu sais, mettons, quand tu as du orange, ça apparaît pas, l'orange apparaît pas. Puis, en tout cas, genre, c'est une affaire de couleur primaire, là. C'est full artistique et poétique, hein. Sérieux, tu mets le liquide? En tout cas, c'est un concept, le gars. Je sais pas comment il va faire ça pour le réaliser, mais c'est un concept. Ah, ben c'est intéressant. Si mettons que l'orange, hier, je sais pas comment le décrire. Ben. C'est bien fort. C'est bien, bien, bien fort. Ben, beau choix comme dernier article, Kiwan. Vraiment, je te félicite. Allez voir le lien de ce que j'ai mentionné sur assemblagerequis.com. C'était la chronique Go Go Gadget pour aujourd'hui. Mais l'orange, fait que l'orange apparaît pas ou apparaît, c'est dépendant de quel coup. C'est compliqué à expliquer. Bon, c'était la chronique de mardi dernier. C'était Go Go Gadget. Il nous en reste deux tout à l'heure. On va entendre celle de mercredi autour du net et celle de jeudi critique de jeu. Mais avant ça, voici un petit avant-goût des nouveautés en magasin pour cette semaine du 10 janvier 2010. Army of Two, The 48th Day sort sur PS3 et PSP. C'est un shooter. Vancouver 2010, The Official Video Game of the Olympic Winter Games sort sur PlayStation 3. On parle du 12 janvier. Donc demain. Sands of Destruction sort sur DS demain aussi, c'est un jeu de rôle. Phoenix Wright Ace Attorney sort aujourd'hui, c'est un jeu d'aventure sur la DS. Non, en fait, c'est un port. Port WiiWare du populaire titre sur Nintendo DS, donc c'est un jeu WiiWare qu'on peut télécharger sur la Nintendo Wii avec des petits points Nintendo. Twin Sectors est un jeu d'aventure qui sort sur PC demain. Skycrawlers Innocent Aces est un simulateur de combat, ça sort demain sur la Wii. Serious Sam HD The First Encounter sur Xbox Live Arcade, c'est un shooter à la première personne. Walk It Out sur la Nintendo Wii sort demain, c'est un jeu de fitness. Windy X Windham sort demain, c'est un jeu de combat. Secret Files 2 Puritus Cordis sort sur PC, CD-ROM. C'est un jeu d'aventure et ça sort le 15. Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition qui combine The Force Unleashed et trois tout nouveaux niveaux. Ça sort sur PC et Mac. PC et Mac, aujourd'hui même. Mary Kay Andrews, The Fixer Upper, sort sur Mac aujourd'hui, c'est un jeu d'aventure. Daniel X, The Ultimate Power, sort sur Nintendo DS demain, c'est un jeu d'action. Crazy Chicken Tales sort demain, c'est un jeu d'aventure sur la Wii. Et finalement, Chronos Twins DX sort aujourd'hui, c'est un jeu de plateforme innovateur, dit-on, où les joueurs contrôlent deux lignes de temps parallèles en même temps. Donc deux histoires qui sont dans des peut-être pas des univers parallèles, mais bref, ça a l'air intéressant. C'est un jeu de plateforme. Bon, Chronos Twins DX. Voilà. Pour les nouveautés en magasin, allez voir la page des nouveautés sur assemblagerequis.com en cliquant sur l'émission cnx.zip de cette semaine. Cette semaine, oui, du 4 janvier 2010, parce qu'on récapitule les chroniques de la semaine passée. D'ailleurs, restez avec nous parce que plus tard, il y a les chroniques autour du net et critiques de jeux à cnx.zip sur les ondes de C'est fou. Tu me prends prend pour un imbécile, hein? Un sale gars! C'est fou, comme à l'asile. 89. Oh. Bonjour, c'est la deuxième partie de CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis, diffusée ici à C'est fou du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Il y a trois chroniques par semaine, semaine qui compte quatre émissions même, si tu mets pas de S à 4, très joli. Bref, il nous reste les chroniques de mercredi et de jeudi dernier. On parle d'auteurs du net et de critiques de jeux. Ça va être très, très, très intéressant. Tellement intéressant que j'ai envie qu'on plonge tout de suite dans la chronique de mercredi. Voici Auteurs du net. Mercredi. Aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est son nom CNX, on fait le tour du net. Donc, on ouvre le bottin de l'Internet et on se faufile à travers de ça, de page en page, jusqu'à temps qu'on puisse fermer la couverture et dire « C'est tout, plus d'Internet pour aujourd'hui. » OK, ouvre le bottin. Voilà, donc Kiwan s'est déplacé à côté de moi pour pouvoir regarder un petit peu avec moi qu'est-ce qu'on va faire. Regardez-moi ça. Commençons par, est-ce que tu reconnais ces personnages? Ce sont des super-héros, Kiwan. Oui. Je sais pas si t'as déjà été enfant. Hein, les super-héros étaient à la mode pour toi. Tu te déguisais peut-être en super-héros. Oh, wow, super kit Robin, là, c'est ouch. C'est très, très beau. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour retrouver un gars qui prend des personnages de dessins animés et refait des couvertures de CD, des couvertures de bandes dessinées ou n'importe quoi. Il prend des personnages qu'on connaît. En fait, il prend des personnages de bandes dessinées et les met sur des albums, des traversateurs de films, des trucs comme ça. Donc, par exemple, disons Breakfast Club. On reprend la couverture de Breakfast Club, le film, la trame sonore du film, et on refait ça avec les Teen Titans, les personnages de bande dessinée. Il y a Elektra, il y en a plein d'autres comme ça. Il ouais, faut quand même avoir soit la vraie image à côté ouais. Ou une pas pire culture musicale et cinématographique. Faut être geek. Pour reconnaître les références réelles. Exact. Mais il y a quand même aussi les vraies images aussi hein, à quelques endroits. Là, c'est ça. Si vous cliquez sur le lien que j'ai mis sur assemblagerequis.com qui va vous mener directement vers la galerie de photos avec le avant et le après, si on veut. Il y a Purple Rain de Prince là-dedans, fait avec Elektra. En tout cas, c'est super joli. C'est... le gars s'appelle Cliff Chiang. Donc, si vous voulez aller voir ça, assemblagerequis.com. Ensuite, tu connais Nicolas Cage, acteur là, de série B. Là, hein? Nicolas de Cage, série B, oui, vraiment. Petit acteur. Donc, il y a des gens qui ressemblent, qui trouvent que Nicolas Cage refait tout le temps le même personnage. Il joue tout le temps à peu près le même gars. Il joue tout le temps Nicolas Cage. C'est souvent un policier. Bref, il y a un blog qui s'appelle nickcageaseveryone.blogspot.com. Donc, le Nick Cage as everyone. Nick Cage dans le rôle de tout le monde. Donc, on reprend la face de Nicolas Cage et on la photoshop sur d'autres gens célèbres. Par exemple, bon, le personnage de télé Dexter, des politiciens quelconques, des gars de télé-réalité, des gens de télé-réalité. Des filles de ça, télé-réalité. Avec une face de gars, ça... Ouais. Mais c'est une fille. Ouais, ouais c'est une fille. Des gens à travers l'histoire, comme ça. Donc, c'est Nick Cage, aseveryone.blogspot.com. Il y a Entourage, avec des gens comme ça. The Fonz, wow, Superman. En fait, des fois, il est dur à reconnaître tellement il est bien intégré. Exact. Et souvent, c'est dans des affaires très, très américaines. Donc, hey, wow, Barack Obama. Ouais, ouais, ouais. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Wow. En tout cas, allez voir ça. Nick Cage as everyone. Une autre chose qui est populaire sur Internet en ce moment, c'est une vidéo par Eric Solheim. Qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année 2009? Lui, à la place de faire des niaiseries, comme on a tout fait en 2009, hein? On a fait des niaiseries, je pense. Bon. Lui, il a pris des vidéos dans sa cour arrière, le même endroit dans sa cour à Oslo, d'accord? Et il a fait une vidéo en genre de time-lapse, comme on appelle, avec cette vidéo-là. Donc, c'est une année en transition, et ça paraît vraiment pas qu'une transition. Donc, c'est vraiment comme être sur une terre alternative, une autre planète où chaque année passe beaucoup, beaucoup plus vite, à l'intérieur de 1 minute 20. Donc, si on regarde la jolie vidéo, un an en 120 secondes par Eric Solheim. C'est pas grand-chose à la radio. Mais ici, Kiwan va être tellement impressionné à quelle période cette transition. Ça transitionne ici. Et très, très, très lentement, sans même que tu t'en rendes compte, ça change de saison. La neige fond. Les arbres perdent leurs feuilles, etc. C'est vraiment, vraiment cool. C'est le même endroit. C'est génial. Bon, donc 1 minute 20 dans une année. Une année en 1 minute 20. Il y a aussi une version en 40 secondes. Pour ceux qui sont juste vraiment pas patients, c'est... Une fille, on l'appelle The Crying Wife, c'est son surnom sur Internet en ce moment. C'est un phénomène incroyable. C'est une fille, la blonde d'un gars, qui pleure après chaque film, comme Star Wars, Retour vers le futur, Le Seigneur des Anneaux. Cette fille-là, peu importe le film qu'elle regarde avec son copain, elle pleure tout le temps. Donc là, on dit dans la vidéo, ma femme vient de regarder Star Wars 4 ou 5, 6, en tout cas, un des Star Wars pour la première fois, et elle pleure après. Donc on va l'entendre ici. Hey, OK. So we just got done watching Return of the Jedi. Oh, he cries at everything. Watch. He's still sad? Yeah. Why? He's pissed. Was it sad when he said that he wanted to see his son for the first time with his real eyes? Peu importe si le film est heureux ou pas, à plat. Mais en bas de la vidéo, en bas à droite, quelque chose de déprimant, ça dit, avant de flamer, sur Internet, quand on dit flamer, je peux vous l'apprendre, ça veut dire, tu sais, parler en mal de quelqu'un, flame, c'est le verbe tout fait. Ça dit, allez voir les questions fréquemment demandées sur cryingwife.com. Et si je m'y rends en ce moment même, about, dans fac, c'est dans fac, ça doit expliquer pourquoi est-ce qu'elle pleure, bon, blablabla, est-ce qu'elle pleure quand elle lit des livres, non. Est-ce qu'elle pleure au cinéma? Non, seulement à la maison. Je sais pas si... Je pense pas qu'il parle de ses problèmes psychologiques. Je pense que oui, mais non. Bref, c'est une fille qui a beaucoup d'émotions. Elle a des émotions en fleur de peau. C'est The Crying Wife, très populaire sur Internet en ce moment. Tu connais peut-être... en fait, tu connais parce que j'en ai parlé ici à l'émission. Improv Everywhere, ceux qui font de l'improvisation. En fait, ils organisent des événements où, je sais pas, ils organisent un faux mariage quelque part à un moment donné. Depuis plusieurs années, ils font No Pants Day. C'est un événement qui a lieu... No Pants Subway Ride. C'est le nom complet de l'événement. Ça va avoir lieu, ça, partout dans le monde. Encore une fois, cette année, le 10 janvier. Un événement annuel. Et là, plusieurs villes participent dans le monde. Donc, vous pouvez aller voir les pages Facebook des différents événements où on voit des gens qui se promènent sans pantalon dans le métro. Et ça va revenir cette année. Donc, je tenais à le mentionner encore une fois. Toujours drôle à voir. Vidéo qui va faire le tour de l'Internet, comme toujours. Mais le 10 janvier, c'est pas une bonne date, je trouve, hein, pour les pays nordiques, en tout cas, là. Ça, ouais. Si ça a été initié, je sais pas, en Californie, puis que c'était pas supposé être mondial à la base, c'est pas pire, mais... Tu sais, aujourd'hui, tu sais, le 10 janvier, c'est dans 4 jours, là. Tu sortirais-tu, toi? Au Québec, peut-être pas, non. Ouais. Non. Non. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits chauds, donc... Ouais, ici, celui est à New York. En 2008, New York. Même à New York, le 10 janvier, il n'y a pas de pantalon. C'est dans le métro. Oui, c'est sûr, mais il faut bien... Tu les enlèves dans le métro, tes pantalons? Bah ça, les détails pas trop sûrs, là. Je me rappelle pas trop de ça, là, mais ouais. Sûrement. En tout cas. Bref, ça va avoir lieu le 10 janvier. Allez voir leur page Facebook. Récemment, il y a eu une partie de football qui a été jouée. Bon, on se fout un petit peu du résultat, mais ce qui est populaire, ce qui est devenu populaire, c'est cette fille-là. C'est la Cowbell Girl, comme on l'appelle. C'est la fille qui joue de la cloche à vache. Elle a l'air pas très heureuse, c'est comme tout, tout, tout, tout. Puis maintenant, ben, ces gens, les gens sur Internet rient d'elle et puis la mettent dans plein d'autres vidéos, font des parodies de ça. C'est la Cowbell Girl. Génial, j'aime super gros ça. Une autre affaire, une autre vidéo, tiens. C'est les deux grands-mamans. Ça, vous allez recevoir ça par courriel très bientôt sur Facebook. C'est deux grands-mamans. Un gars les a filmés devant un écran vert, vous savez, comme à la météo, là, tu sais, qu'on met un écran vert derrière et on peut remplacer ça par quelque chose d'autre. C'est pas très bien fait dans ce cas-ci. Le gars a pas beaucoup de budget pour faire de l'écran vert. Mais il a mis ces deux vieilles personnes devant ça, avec un bâton de balai, je sais pas trop quoi. Ils font semblant d'être dans un manège parce que, dans le fond, le gars a mis devant elle, devant les femmes, un écran qui montre qu'est-ce qu'il y a derrière elle. Tu sais, bon, donc les filles voient le manège supposé qui est derrière elle à cause de l'écran vert. C'est vraiment certainement une des meilleures vidéos que j'ai jamais vues. Oh, attention! OK. C'est n'importe quoi. Vraiment, l'Internet, c'est n'importe quoi, Kiwan. N'importe quoi. On va terminer avec quelques petits blogs. Tiens, le blog kidcasting.tumblr.com. Est-ce que vous êtes déjà demandé de quoi avait l'air un personnage de film dans le bon vieux temps? Dans le bon vieux temps. Parce que dans des films, souvent, on voit des flashbacks. Tu sais, tu vois le personnage comme il était quand il était jeune. On se rappelle pas nécessairement de l'avoir vu, cette scène-là. Tu vas sur le blog, on va te montrer ces scènes-là, les scènes de flashback dans des films. Par exemple, dans un des Slam Dunk Ernest, tu sais, les films de Ernest, là, en 1995. Donc, il y avait un flashback avec Ernest en petit, en jeune. On voit le film 300 ici, il y avait l'air de ça. Les mopettes, évidemment. J'ai une parenthèse à faire sur Ernest. Quoi? Il existe un sosie de Ernest à Drummondville. Non. C'est vraiment une vedette locale. Il y a plusieurs vedettes locales à Drummondville, entre autres Coco Drummond et Florida, mais Ernest est pas pire aussi. Il fait la tournée des bars là, régulièrement, toutes les semaines, je pense. Tu peux le voir dans un nightclub, et puis il est toujours là, la place la plus en vue qui peut être. Tu sais, sur une colonne de son, sur un stage, il se déhanche de façon vraiment endiablée. Wow. C'est le sosie d'Ernest. Il s'habille un peu dans le même type aussi qu'Ernest. Est-ce qu'il y a une page Facebook comme le cowboy du centre-ville? Ah, peut-être, ouais, peut-être. Passe en une pour lui. Oui, si je vais regarder ça. Sors d'un club, prends une photo, snip snap, Facebook. Des millions de dollars sont à toi. Mais justement, en parlant du cowboy, là, il club lui aussi. Hein. Ah oui, il sort dans les bars. Oui, je l'ai vu dans un nightclub de Trois-Rivières. Je pense que c'est le soir de l'Halloween. Mais c'était vraiment le vrai. C'était pas quelqu'un déguisé en qui lui. Qui l'imitait. Non, c'était vraiment lui qui était là, ouais. Mais il est inimitable de toute façon. Donc voilà, c'est le blog Kid Casting qui vous montre des moments flashback dans des films avec la personne récemment et la personne dans le flashback. Bon. Sinon, tiens, j'ai posté sur assemblagerequis.com, évidemment, c'est là que tous les liens sont, un article de BuzzFeed qui parle des 30 chats les plus importants de 2009, parce que vous savez, sans les chats, l'Internet n'est rien. Est-ce que le tien en fait partie? Non. Non? Un jour, j'espère. 2010, c'est mon année. Donc, il y a des chats, un chat indifférent, un chat fanatique, un chat moyen, un chat oreiller. Donc, toutes les vidéos et les sites de chats, les photos les plus populaires, sont sur BuzzFeed.com. Pas mal juste des vidéos, en fait. Il y en a d'autres, là. Bref, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Un autre blog, Growing Up Heroes. C'est au growingupheroes.com. Ça revient à ce qu'on disait au début de la chronique sur quand on était jeune, on voulait devenir des super-héros. C'était souvent, les jeunes, ils voulaient, c'était quoi? Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Je veux pas être pompier, je veux être un super-héros. Je veux être Superman. Donc, ce blog-là montre des photos de gens quand ils étaient jeunes, déguisés en super-héros. Donc, c'est vraiment des photos envoyées par la communauté, là, des gens déguisés en Batman, déguisés en Atom Ant, en, je sais pas, Star Wars. Peut-être pas des super-héros, Star Wars. Des super-héros. Ils ont sauvé la planète. Je dois avouer que j'ai jamais vu Star Wars. Je suis geek et j'ai même pas vu Star Wars encore. Je vais dire. J'en ai vu un il y a très longtemps, mais c'est loin. J'aurais peut-être pas dû avouer ça à la radio. Ouais, vraiment, là, ça enlève toute ta crédibilité. Mais je sais. C'est quoi ces chroniques-là, ces NX faites par quelqu'un qui a jamais vu Star Wars? Ah, c'est n'importe quoi, je le dis à tous les jours. Quoi. Tu te rappelles de Tay Zonday, c'est lui qui chantait Chocolate Rain. Non, en tout cas, non. Bref, c'était une vedette sur Internet. Hey Tay Stars, people want me to sing this for like 3 years, so here it is. Ça fait 3 ans que les gens demandent qu'ils chantent cette chanson-là. C'est sa vraie voix. Pour ceux qui n'ont pas vu Chocolate Rain, ils chantent comme ça la chanson de Chocolate Rain. C'est une belle voix grave. Ça fait tellement bien que cette chanson-là en particulier, je trouve. C'est voilà, donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Et on va terminer avec, je sais pas si tu as vu celui-là, une autre vidéo populaire sur Internet, le Dramatic Chipmunk. C'est le petit animal de compagnie là, qui se vire comme ça. Qui a comme l'air surpris, c'est une vraie vidéo qui avait été capturée à un moment donné, puis là, tout le monde tripait là-dessus, sur ce petit... c'est un écureuil, comment t'appelles ça? Mettons écureuil, c'est dans la famille des écureuils, en tout cas. Donc ça, c'est une publicité pour une télévision, là, haute définition quelconque, j'imagine en Asie, au Japon, quelque chose comme ça. Ici, ils ont refait, comme si c'était l'émission d'origine dans laquelle le petit hamster, ou peu importe, avait été vu. Mais disons qu'il se passe d'autres... Ouais. Bon. Quelqu'un qui se fait attaquer. Je dirais pas c'est qui attaque qui. C'est peut-être la fille qui attaque l'écureuil. Je vous laisse aller voir sur assemblagerequis.com. C'est comme y être. Hein? C'est un peu l'idée de la chose. C'est une télé tellement bonne qu'on croirait y être. On se rend fin. Qu'est-ce qui se passe après? Allez voir liveborderless.net. C'est une télé sans bordure. C'est cool quand même comme idée, une télé qui n'a pas de bordure autour. T'sais. Tu trouves pas ça fatigant d'avoir une bordure autour de ta télé? Ben là, maintenant, il va y avoir d'autres choses. C'est pas de bordure, tu vas avoir ton salon, ton calorifère, il va y avoir la fenêtre, quelque chose. Ouais, il va falloir que l'écran, ce soit tout le mur au grand complet avant que ce soit satisfaisant, finalement. Il faut qu'elle soit dans ta tête, en arrière de tes paupières, je sais pas. Ah, ben juste des lunettes, ce serait assez. Juste une paire de lunettes qu'une... Bon. Voilà qui fait le tour de l'Internet pour cette semaine. Hein? Il s'en est passé des choses bizarres et ridicules sur Internet. Trouve pas? Bien plus que ça, en plus.